Galates chapitre 5. Tenez-vous donc ferme dans la liberté, à l'égard de laquelle Christ nous a affranchis, et ne vous soumettez plus au joug de la servitude. Voici, je vous dis moi, Paul, que si vous êtes circoncis, Christ ne vous profitera de rien. Et de plus je proteste à tout homme qui se circoncit, qu'il est obligé d'accomplir toute la loi. Christ devient inutile à l'égard de vous tous qui voulez être justifiés par la loi, et vous êtes déchus de la grâce. Mais pour nous, nous espérons par l'Esprit d'être justifiés par la foi. Car en Jésus-Christ ni la circoncision, ni le prépuce, n'ont aucune efficace, mais la foi opérante par la charité. Vous courriez bien, qui est-ce donc qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Cette persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Je m'assure de vous, en notre Seigneur, que vous n'aurez point d'autres sentiments, mais celui qui vous trouble, en portera la condamnation, quel qu'il soit. Et pour moi, mes frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi est-ce que je souffre encore la persécution? Le scandale de la croix est donc aboli, plus à Dieu que ceux qui vous troublent, fussent retranchés. Car, mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne prenez pas une telle liberté pour une occasion de vivre selon la chair, mais servez-vous l'un l'autre avec charité. Car toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez consumés l'un par l'autre. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les convoitises de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, tellement que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Or, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Car les œuvres de la chair sont évidentes, lesquelles sont l'adultère, la fornication, la souillure, l'impudicité, l'idolâtrie, l'empoisonnement, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les gourmandises, et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, un esprit patient, la bonté, la bénéficence, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi ne condamne point de telles choses. Or, ceux qui sont de Christ, ont crucifié la chair avec ses affections et ses convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, conduisons-nous aussi par l'Esprit. Ne désirons point la vaine gloire, en nous provoquant l'un l'autre, et en nous portant envie l'un à l'autre.